Chapitre 7. Montréal et ses souvenirs. Maintenant, nous allons relever des faits qui nous paraissent tout à fait intéressants. C'est que la ville et le pays ont conservé le souvenir de tous ces noms comme au premier jour. Ces noms subsistent depuis 2 siècles, malgré les changements inévitables des années et malgré l'influence de la conquête. En 1672, M. Delier de Casson, voyant l'accroissement des constructions de la ville, avisa à établir des rues suivant la direction la plus convenable. Dans le sens de la largeur de la ville, il traça 3 rues parallèles au fleuve. Celle du milieu reçut le nom de Notre-Dame, en l'honneur de la protectrice de la ville. Près de la rivière, la rue Saint-Paul, en l'honneur du premier gouverneur, Paul de Maisonneuve. De l'autre côté, la rue Saint-Jacques, en l'honneur de M. Jacques Ollier, fondateur de la ville. Ces 3 rues parallèles au fleuve étaient coupées par 6 autres à angle droit. La première à l'ouest, appelée Saint-Pierre, patron de M. de Fancamp, la seconde Saint-François en l'honneur de M. François Delier de Casson, curé de Montréal, la troisième Saint-Joseph, parce qu'elle longeait l'Hôtel-Dieu placé sous ce patronage, la quatrième Saint-Lambert, patron de M. Lambert Clos, qui avait été tué par les Iroquois à cet endroit, la cinquième Saint-Gabriel, patron de M. de Quélus, la sixième Saint-Charles, patron de M. le Moine. Tous ces noms ont été conservés et ces rues sont les plus peuplées et les plus riches de Montréal. Venons maintenant aux fiefs concédés aux environs de Montréal. M. de Clarion et M. de Morel furent placés au nord-est. En face de la ville, M. le Moine reçut l'île Sainte-Hélène et la rive de Longueuil. M. Lebert, l'île Saint-Paul. M. Dupuis, l'île au Héron. M. de La Salle, la côte de la Chine. En descendant le fleuve, on trouvait M. Boucher à Boucherville, puis M. de Varennes, M. de Verchères, M. de Boisbriand, M. de Repentigny, M. de la Valterie, M. de la Chenaille, M. de Contrecoeur. Sur une zone plus éloignée se trouvaient M. de Berthier, M. Dupade, M. de Sorel, M. de Saint-Ours et M. de Chambly. Ces officiers étaient établis avec des titres seigneuraux et avec leurs soldats. Toutes ces agglomérations ont formé des paroisses qui existent encore et qui ont conservé leur nom des concessionnaires. Telle a été l'origine des cantons environnant Montréal, Longueuil, Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur, La Valterie, Repentigny, Chambly, Saint-Ours, Sorel, l'île du Pas, Berthier, etc., etc. Ces dispositions ont subsisté et on ne peut faire un pas dans le pays sans trouver les vestiges de ces premiers temps si remarquables. Il n'y a peut-être pas de contrée où l'on ait conservé aussi religieusement les touchants souvenirs des commencements. La ville avec ses environs est un mémorial vivant de tout ce qui s'est passé au premier temps. Nous avons dit tout ce qui se rapporte à Montréal et à ses environs. Maintenant, nous allons voir apparaître de graves événements. Île de Montréal. À 60 lieues de Québec, après avoir traversé le lac Saint-Pierre, on trouve plusieurs agglomérations d'îles, parmi lesquelles est le groupe de Montréal, où l'on compte près de 20 îles. Les principales sont l'île de Montréal, avec l'île de Jésus au nord, et l'île Perrot au sud. L'île de Montréal a 10 lieues de longueur et 3 ou 4 lieues dans sa plus grande largeur. C'est dans cette île que se trouve la ville de Montréal, fondée en 1642. En 1815, elle ne comptait que 15 000 habitants, et elle est arrivée maintenant à près de 250 000. Elle était jadis le siège de la Compagnie du Nord-Ouest pour la traite des pelleteries. Le fleuve Saint-Laurent, qui longe l'île de Montréal au sud, a en certains endroits jusqu'à 2 lieues de largeur.